Le trésor en or. Il était une fois, dans l'ouest lointain, dans la ville de Forlange, vivait un batteur appelé Anthony et sa femme Rose. Rose et Anthony attendaient un enfant et étaient très impatients que leur bébé naisse. Un jour, alors que Rose se tenait sur sa terrasse regardant le soleil couchant, elle se rendit compte à quel point le soleil était beau. Oh, je souhaite à mon enfant que lui soit donné un rayon de soleil pour que son avenir soit aussi brillant que le soleil. Le jour enfin arriva. Une cigogne survola les toits portant un petit paquet en tissu et le déposa à la porte du couple. Une fois le paquet déposé, elle frappa à la porte avec son bec puis s'envola. Anthony ouvrit la porte et fut ravi de découvrir leur bébé. Les cheveux du bébé étaient comme de l'or. Les rayons du soleil couchant étaient sur lui. Mon trésor d'or, ma richesse, mon soleil. Comment devrions-nous l'appeler ? Peter. Mon trésor d'or s'appellera Peter. Peter ? Oh, comme c'est formidable ! De joie, le batteur fit un roulement de tambour. Peter grandit et devint un garçon plein de vie et de joie. Avec de beaux cheveux roux, il était l'un des plus beaux garçons de la ville. Il pouvait chanter comme les oiseaux au printemps et il jouait de la guitare comme personne dans tout Forlange. Le monde est beau, le monde est tout ce dont nous avons besoin. Les oiseaux, les nuages et le soleil. Oh, mais mon trésor d'or a une si belle voix. Il devrait devenir musicien et chanter dans les palais des rois et des reines. Pas question, Rose. Mon fils deviendra soldat. Il portera un uniforme, portera une arme à feu et marchera au pas. 1, 2, 1, 2. En plus, ses cheveux sont rouges et non dorés. Mais Peter savait dans son cœur qu'il voulait être musicien plus que soldat. C'est ainsi qu'un jour, Banjo, le musicien de la ville, passait sur le marché quand soudain, il entendit Peter chanter. J'adore le soleil est radieux, qu'il brille pour l'éternité, et donnez-nous la vie, et donnez-nous l'espoir, et dansons et chantons, et laissez-nous danser. Banjo fut soufflé par le talent de Peter. Pardon, monsieur, quel est votre nom? Je m'appelle Peter, monsieur. Peter, tu as une très belle voix, et ce que tu fais avec cette guitare est phénoménal. Tu devrais être musicien. J'apprécie vos paroles attentionnées, mais je le crains, je vais devoir devenir soldat. Un soldat? Bon sang, tu n'es pas un soldat. Tu ne vois pas que tu as un tel talent. Tu pourrais devenir le meilleur musicien de tout le royaume, et pas seulement à Forlange. Père ne me laissera pas. En disant cela, Peter partit la tête basse, laissant Banjo inquiet. Les jours passèrent et bientôt, il était temps pour Peter de dire adieu à ses parents. Au revoir, père. Au revoir, mère. Oh, mon trésor d'or. Reviens bientôt. Reviens-nous sains et saufs. Et avec une médaille. Rappelle-toi, rien ne me rendrait plus fier. Pierre poussa un profond soupir et partit. Oh. Pierre a rejoint le rang de ses camarades soldats. La bataille a rapidement commencé et elle a continué pendant des jours. Pierre s'est vite rendu compte que les guerres n'apportent que la dévastation. Enfin, la guerre prit fin et la paix fut signée par les généraux. Pierre rentra chez lui, jurant de ne plus jamais prendre part à une bataille. Oh, mon trésor d'or, tu es de retour! Tes bénédictions m'ont sauvé, mère. Regarde, je suis revenu sans une égratignure. Et la médaille? Oh, sans ça aussi? C'est bon, mon fils. Je suis sûr que tu y arriveras à la prochaine guerre. Il n'y aura pas de prochaine guerre. Les guerres n'apportent que destruction et dévastation. Et pour ma part, je ne participerai pas à quelque chose d'aussi mal. Quoi? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais devenir musicien. Je ne le permettrai jamais. N'embête plus jamais mon trésor d'or. Il a fait ce que tu lui avais demandé. Il s'est enrôlé dans l'armée et s'est battu à la guerre. Maintenant, laisse-lui faire ce qu'il veut. Merci, maman. Bon, alors, Fais ce que tu veux, mais sache que je suis déçu. » En disant ça, Anthony les laissa. Peter était triste, mais sa mère le consola. « Mon trésor d'or, ne t'inquiète pas pour ton père. Tu es trop spécial pour être contrarié. Allez, fais ce que tu veux. Je m'occuperai de ton père. » « Merci, maman. Tu es la meilleure. » Le lendemain, Peter alla chez Banjo, qui, lui, était trop content de le voir. « Regardez qui est là, le talentueux Peter. Tu nous reviens en pleine forme. » « C'est bon de te voir, Banjo. » « Et c'est bon de te voir aussi, Peter. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Peter expliqua à Banjo son expérience de la guerre et comment il s'était juré de ne plus jamais y retourner. « Père est contrarié par ma décision, mais c'est ce que j'ai toujours voulu faire. »« Enfin, tu as pris une décision pour toi-même. Nous devrions célébrer ton nouveau départ. Linda !» Linda était la sœur de Banjo. Elle entra dans la chambre et, la voyant, Peter fut hypnotisé. « Peter, voici ma sœur Linda. Linda, Peter. » Peter et Linda se regardèrent et se sourirent. « Linda, on veut fêter ça. Serais-tu assez aimable pour apporter les meilleurs desserts de la cuisine ?»« Bien sûr, mon frère !» Au cours des jours suivants, Peter jouait de la guitare et chantait chez Banjo, où les ministres et autres seigneuries venaient souvent. Tout le monde fut impressionné par Peter, Linda en particulier. Elle tomba amoureuse de lui et bientôt ils furent ensemble, main dans la main, très amoureux. Quand Banjo le découvrit, il fut très très heureux. « Ma sœur est mon meilleur ami. Je ne pourrais pas être plus heureux. » « Merci Banjo. On veut se marier bientôt. » « Oh, comme c'est merveilleux. Mais je crains qu'il faille attendre. » Peter et Linda étaient très inquiets. « Et pourquoi donc ?»« Votre Excellence veut que vous jouiez au mariage de sa fille. » »« C'est une excellente nouvelle !» Peter remercia Banjo et comme il se tourna, il vit que Linda n'était plus dans la chambre. Peter comprit qu'elle était bouleversée. Mais jouer pour le roi dans le royaume royal était quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Il rentra immédiatement chez lui et dit tout à sa mère. Elle était émerveillée et fit pour lui la meilleure nourriture pour son voyage. Il leur dit adieu et partit. Peter joua au mariage royal et tout le monde l'acclama et l'applaudit. Il devint célèbre. Les rois et les reines des royaumes voisins qui étaient venus au mariage voulaient aussi qu'il joue dans leur royaume. Peter accepta humblement leur demande. Et bientôt, il alla de royaume en royaume, jouant de la guitare et chantant ses chansons. Il devint si célèbre que les gens commencèrent à l'appeler Peter le musicien aux cheveux rouges. Mais malgré la renommée et la reconnaissance, Peter ne pensait qu'à sa famille et à Linda. Après le dernier mariage de la saison, Peter retourna à Forlange. Tout au long du voyage, il ne cessa de penser comment il avait finalement réalisé ce qu'il avait toujours voulu faire. Quand il est arrivé à la maison, sa mère laissa tomber des ustensiles et courut pour l'embrasser. « Oh, mon trésor d'or, tu es de retour ?»« Oui, maman, je suis là et regarde ce que je t'ai apporté. » Peter donna le sac qu'il portait. Il était si lourd que sa mère dut le poser avant de l'ouvrir. Quand elle l'ouvrit, elle trouva qu'il était plein d'or et de perles et de rubis et de diamants scintillants et brillants. « Oh, nous sommes riches !» « Notre fils nous a apporté une fortune !» Cependant, Anthony ne fut pas impressionné. Il s'assit tranquillement dans sa chaise à bascule, regardant par la fenêtre. Peter s'approcha de lui et sortit une médaille de sa poche. « Père, celle-ci est pour toi. Je l'ai reçue du roi de Chine. » Anthony prit la médaille et la regarda alors que des larmes coulaient de ses yeux. Il se leva et serra son fils dans ses bras. « Tu m'as rendu fier, fiston. » Rose, tu vois, je te l'ai toujours dit. Il devait continuer la musique. Les trois se regardèrent et éclatèrent de rire. Et donc, tout allait très bien dans la vie de Peter. Il épousa Linda et il eut une grande réception où Rose se décida de parler de son fils. Mon fils a suivi ses rêves et nous a tous rendus fiers.